Et dis-moi, est-ce qu'après la prison, t'as envie d'entrer dans le rang? J'ai toujours été dans le rang à ma façon, à un certain rang, oui. Pas être parqué comme un mouton, surtout pas. Il n'y a pas de raison de ne pas rentrer dans le système de la société. Mais un travail, justement, un travail, des loisirs, la famille, faire des choses plaisantes, payer ses dettes à la justice, vivre, prendre le plaisir de vivre et jouir du temps qui passe et des personnes dont on peut encore jouir, à tout niveau, je veux dire, hein. Parce qu'en prison, c'est une perte de temps, mais monstrueuse. Voilà, j'occupe mon temps, hein. J'ai préétabli un horaire sur la journée. Je le suis, je le suis pas, j'arrive à le suivre pour des raisons ou l'une autre, j'arrive pas à le suivre, c'est pas grave, je le fais le lendemain, le surlendemain, c'est pas un problème, c'est pas grave. Mais on est dans une attente épouvantable, c'est du surplace, c'est une mammouth prise par les glaces, par moment ou le plus souvent. Voilà, et on attend, et on attend. Tic-tac, et le temps passe, c'est insupportable, et on est toujours dans l'attente. Et dès qu'il y a une visite, là, on doit être prêt, on doit être au garde à vous, on est prêt, il faut se dépêcher, dépêchez-vous, hein, dépêchez-vous. Votre visiteur social vous attend, votre avocat vous attend, dépêchez-vous. C'est vrai que moi j'y cours, hein, j'y cours, parce que j'adore rencontrer les gens de l'extérieur aussi, mais on est dans l'attente, dans l'attente, dans l'attente. Et alors on sent que il y a tout qui traîne, quoi. C'est tout au ralenti. Vous voyez un film où il y a les gens qui marchent au ralenti. Et ben voilà, c'est ça la vie en prison pour tout.